Dans la problématique de l'évolution, il y a des schémas de correspondance qui est utile à un moment donné à l'humain de connaître. On a parlé de l'homme, on a parlé de l'anti-homme, on parle de sept chakras, on parle de sept plans d'évolution, de sept super-univers. On parle de 12 faisceaux d'énergie, de 12 apôtres, 12 ou 21 en numérologie, c'est la même chose. 1 plus 2, 3, 2 plus 1, 3. Symbole de l'univers. On parle des 7 jours de la création reliés aux 7 chakras. Présentement, on vit le cinquième jour de la création. Je parle évidemment de la création selon la Genèse. On vit le cinquième jour. Il reste la sixième journée et la septième journée. Parce qu'il ne faut pas penser que la Terre a été créée en 7 jours, standard. Le soleil a été créé après la Terre, selon la Bible. Et une journée est une période de rotation par rapport au soleil de la Terre sur elle-même. Il y eut un soir, il y eut un matin, il fallait un soleil. Lorsque la Genèse parle, elle explique des choses d'une façon occulte, ésotérique. À travers ces processus de correspondance, il y a des choses intéressantes à connaître. En l'occurrence, son ennemi. Et lorsque je parle d'ennemi, je parle de l'anti-homme, de l'homme. Il y a le corps physique. Il y a le corps vital. Il y a le corps astral. Le corps mental, le corps supramental. Le plan mental n'est pas dans toutes les têtes sur la planète. Il y est potentiellement, mais il n'y est pas d'une façon actualisée. Le corps supramental n'est pas non plus dans toutes les têtes, il y est potentiellement, mais il n'y est pas d'une façon actualisée. Lorsque l'homme prend conscience qu'il est petit, il traverse une phase initiatique qui devra l'amener à être plus grand. Que l'homme prend conscience qu'il est petit, s'il se fie à sa mémoire, il va se rendre compte que l'homme a toujours été petit, et se fiant à sa mémoire, il peut en déduire que l'homme sera toujours petit. Cela fait partie de la phase initiatique qui sert à trier sur le volet les individus qui seront capables de monter, de ceux qui serviront à manger de la merde, de façon à laisser libre ceux qui évoluent. L'individu n'a pas d'importance cosmique. Seule la race a de l'importance cosmique. Lorsqu'un individu devient important cosmiquement, il est privilégié, il est secondé, il peut rencontrer des catalyseurs d'évolution, il peut se rencontrer lui-même, et il peut apprendre à partir des correspondances et des mécanismes de l'évolution. Il n'est pas nécessaire d'avoir une grosse tête pour évoluer. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre pour évoluer. Il est nécessaire, par contre, d'arriver à être capable d'observer, d'être suffisamment attentif pour arriver à faire une fusion entre les événements qui nous font vivre et nous-mêmes qui vivons les événements. L'homme a un nom. L'homme est pluriconstitué. Et cette pluriconstitution engendre deux choses. Une mécanicité antifusionnelle et une mécanicité fusionnelle. La mécanicité antifusionnelle va être la guerre dans l'âme, la guerre entre les différents égaux qui ont été placés lors de la réincarnation pluralitaire et entre les différents égaux qui vont naître au courant de la vie et tout au long de la vie. Parce que, je l'ai déjà dit, il y a des réincarnations quotidiennement chez vous. Tout au long de votre vie physique, vous allez continuer à recevoir des personnalités réincarnationnelles qui vont être attirées par votre état. Selon l'onde de forme que vous dégagez, selon la façon dont vous parlez, selon la façon dont vous exprimez les choses, selon vos agissements, par correspondance, vous attirez vers vous des entités réincarnationnelles qui peuvent vous aider, qui peuvent ne pas paraître et qui peuvent aussi vous nuire. Chaque fois que ces entités pénètrent l'homme, elles vont dans l'âme, elles cheminent dans les mémoires volatiles à la recherche d'un endroit dans l'ego où elles pourraient se connecter. S'il n'y en a pas, elles vont recréer un deuxième ego, engendrant une problématique de doublement de personnalité. Ce deuxième ego peut aussi s'accoler au premier ego, mais cela engendre une instabilité émotive, égoïque, majeure. À travers chaque fois, à travers le phénomène que, à travers la mécanicité qui permet au plan réincarnationnel de vous poursuivre tout au long de votre vie, il y a un autre symptôme qui apparaît, c'est celui où l'humain, dans son ego, reste en contact perpétuel avec le monde de la mort, ce qui entraîne une probabilité de manipulation effarante et assujettit l'homme au monde de la mort, dans un sens comme dans l'autre. On va constituer la vie émotive chez vous tant que votre corps physique peut en supporter. Et on va reprendre ses vies lorsque le corps physique ne pourra plus le supporter. On appelle cela la mort, la deuxième mort. La première mort, c'est lorsque l'âme quitte le corps physique. La deuxième mort, c'est lorsque l'âme touche le monde de la mort et se dissout à l'intérieur. Il y a pourtant un moyen pour arriver à cadrer les personnalités réincarnatives qui nous habitent à notre insu régulièrement. Il y a moyen aussi de forcer la réincarnation de personnalités intéressantes pour nous. Donc, d'arriver à entretenir un contact fusionnel avec des personnalités du monde de la mort, personnalités qui pourraient nous être salutaires. Salutaires en ce sens qu'elles viendraient aider la programmation d'un ego constitué d'une façon ascensionnelle plutôt que de venir aider la constitution d'un ego stagnant ou involutif. Dans l'Antiquité, on mangeait le cœur, le foie, des personnages chez qui on voulait aller chercher certaines qualités. Cela permettait au personnage mort de pouvoir se réincarner en partie dans l'individu qui le mangeait. Et c'est évidemment l'idée de la symbolique du corps du Christ que l'Église fait manger à l'homme. Mais il faut comprendre qu'il y a toujours deux façons de travailler, celle où on croit faire et celle où on sait faire. Entre les deux, il y a une petite ligne, une ligne qui peut souvent servir le monde de la mort, les forces astrales, les forces d'involution, pour vous obliger, à partir du concept de spiritualité ou d'antispiritualité, de faire ou de ne pas faire une chose. Alors, on doit s'arranger pour créer chez soi trois réservoirs distincts. Disons deux chez soi et un à l'extérieur de soi. Ce que j'explique présentement, c'est ce que nous allons mettre en pratique lors du séminaire sur la colère mentale en janvier. Colère mentale 2. Il y a un séminaire sur la colère mentale prochainement, ça va. Il y en a qui l'ont déjà fait, il y en a qui vont le faire. Pour que nous puissions avancer d'une façon plus efficace lors du séminaire en janvier, je préfère expliquer des choses maintenant. Cela pourra permettre à certains de prendre de l'avance, et cela aussi pourra permettre à l'astral d'être préparé à ce qui peut se passer en janvier. Trois réservoirs. Trois réservoirs nommés. L'un des réservoirs, la partie évolutive de vos êtres. L'un des réservoirs, la partie stagnante et évolutive de votre constitution. Un autre réservoir, l'endroit dans le monde de la mort où vous êtes relié. L'homme n'est pas relié à tout le monde de la mort. L'homme est relié à une partie du monde de la mort et cette partie doit être égrégorisée, paramétrée, de façon à ce que l'homme puisse en avoir le contrôle par la clé du nom. Lorsque l'être humain fait une colère mentale de type A, une colère mentale comme on peut faire après le séminaire sur la colère mentale 1. Bien souvent, cela donne certains résultats. Mais cela est surtout préparatoire au développement de l'autorité mentale dans l'astral. Lorsque l'on fait une colère mentale de type A, on brasse un peu de merde, on claire un peu son entourage, mais on n'a pas le contrôle. Et il faut commencer par là. Lorsque l'homme a la faculté de décoder et par la suite de coder selon sa conscience, les trois réservoirs en question, il prend possession de ce monde de la mort. Cela veut dire que vous devez arriver à paramétrer l'entité évolutive ascensionnelle chez vous. Qu'est-ce qui chez vous veut évoluer? Qu'est-ce qui chez vous comprend l'intelligence de la santé? Qu'est-ce qui chez vous comprend l'intelligence de l'énergisation? Qu'est-ce qui chez vous comprend l'intelligence du monde astral? Qu'est-ce qui chez vous comprend l'intelligence du monde mental? Qu'est-ce qui chez vous peut entrer en contact avec le plan supramental? Qu'est-ce qui chez vous est patient? Qu'est-ce qui chez vous est compréhensif? Qu'est-ce qui chez vous est puissant? Et ça, ça doit porter un nom. Ce nom, ce sera vous lorsque vous évoluerez. Ce sera vous lorsque vous avancerez. Mais ça ne pourra pas être vous lorsque vous allez stagner. Vous devrez comprendre immédiatement que lorsque vous stagnez, ce n'est pas la même entité qui prédomine dans l'expression de la conscience. Voilà. Alors, si ce n'est pas vous, il y a quelque chose d'autre qui permet la manipulation. En réalité, il y a deux choses d'autres. La partie chez vous, assujettie de près à l'identification que vous avez de vous-même. Et la partie extérieure à vous, dans le monde de la mort, qui permet la réincarnation successive, continuelle d'entité, de bribes d'entité. Être capable vibratoirement de cerner son nom. C'est la première étape. Être capable de déterminer qui je suis. C'est la première étape. Lorsque l'humain dit « je suis une personne faible », elle fait référence au deuxième égrégore, au deuxième réservoir, au deuxième contenant. Je peux, moi, parler à partir de différents contenants. Je peux parler de mon père. Je parle du contenant astral. Je peux donc parler de mon père dans le ciel. Je peux donc parler de mon père dans les cieux. Et c'est le contenant astral qui parle. Je peux aussi parler de moi-même, le contenant supramental qui parle. Je peux parler du contenant physique, ou à partir du contenant physique. De temps en temps, l'homme parle à partir du contenant astral dans le monde de la mort. De temps en temps, l'homme parle à partir de la partie involuante, stagnante chez lui. Et de temps en temps, l'homme parle à partir de la partie positive, ascensionnelle, ascendante. Trois noms. Lorsque nous savons qui nous sommes d'une façon évolutive, nous pouvons travailler avec cette personne. Cela veut dire que de temps en temps, lorsque ça ne va pas, cette personne peut s'appeler elle-même. S'appelant elle-même, elle force cette partie égrégorienne interne à prendre le contrôle de la conscience. Elle se soulage. Elle ne règle pas le problème d'une façon globale. Elle se soulage. Et c'est déjà bon. Connaître quelle est la partie évoluante chez nous. Quels sont nos problèmes dans une globalité complète. J'ai peur de temps en temps. Ça, c'est la partie évolutive. Je me désole de temps en temps. C'est la partie évolutive. Je suis stressé. C'est la partie évolutive. Je n'arrive pas à contrôler mon travail. C'est la partie involutive. Je souffre, je ne comprends pas. Je suis angoissé, je désire, je veux. Je suis en colère émotive, je suis écœuré, je suis tanné. Je n'ai pas le gut, je suis dépressif. Je mange tout croche, je dors tout croche. Je suis colérique. Je suis spirituel et anti-spirituel. Je me prends pour un autre. J'ai de l'orgueil. J'ai de l'ego. J'ai hâte. On doit se connaître. Et il se trouve que tous les humains ont tous les défauts. Tous les humains de la planète ont toutes les qualités. Tous les humains de la planète ont tous les défauts. Mais arriver à cerner le potentiel d'expression d'une qualité ou d'un défaut, c'est utile. Arriver à cerner, effectivement, que nous avons les défauts. Tant que nous sommes reliés au monde de la mort et que cela se réincarne continuellement chez soi, chaque fois que nous réglons un problème, nous devons savoir, pardon, que dans quelques années, dans quelques semaines, dans quelques heures, on devra recommencer à régler le problème. Ça se réincarne. Cela veut dire que l'instruction de l'ego prend un peu plus d'importance vu ce point de vue. Ce n'est pas vous que vous devez instruire, mais les entités qui viennent chez vous quotidiennement. Elles doivent savoir de quelle façon elles devront travailler avec vous. Si on les laisse aller, si on les oublie, elles vont lentement induire des nouvelles façons. On appelle cela des droits acquis. On les laisse libres de faire ce qu'elles veulent. Et lorsqu'il nous écœure, on veut les changer. Cela fait 2 ans, 3 ans, 15 ans, 30 ans qu'elle nous achale. Et à un moment donné, on décide que ça va changer. Eh bien, ça ne changera pas comme ça. Première chose, donner l'exemple. Deuxième chose, instruire ceux qui arrivent. Troisième chose, régler ceux qui y sont déjà. On peut empêcher la réincarnation continuelle chez soi. Cela nous donne un temps de repos, un break. Cela nous permet aussi de régler certaines choses chez soi. Et pour cela, il faut connaître le nom du troisième réservoir. Celui qui est placé dans le monde de la mort et celui qui vous manipule. Il y aura bien, lorsque vous aurez un peu plus d'autorité, des forces astrales extérieures à ce contexte qui vont venir vous attaquer. Mais présentement, elles n'ont pas la puissance de vous toucher parce que vous n'avez pas la puissance de les attirer. Alors, on commence avec les trois premières. Qui suis-je? Je suis Daniel. Daniel, est-ce la partie involutive, la partie évolutive, ou l'alliance entre les deux? Je dois trancher. Daniel devra être un ou l'autre, mais pas les deux. Une fois que cela est trouvé, je dois regarder le connard qui m'habite. Et je dois lui donner un nom. Je dois non seulement lui donner un nom, mais je dois surtout lui donner le nom qu'il a. Je dois être capable de vibrer, de le laisser s'exprimer de façon à devenir moi-même un monstre, à devenir moi-même écœurant, à devenir moi-même ce que cette chose elle est, tout en conservant l'intelligence de l'observation, ce qui me permettra de pouvoir le cerner lorsqu'il sera révélé et lui donner un nom. Cette partie est mon anti-homme. La chose qui un jour devra être éjectée de moi-même et qui devra être par la suite fusionnée à moi après avoir été dressée. Et il y a la troisième réceptacle. Connaître de quelle région du monde de la mort je suis en contact. Les signes astrologiques sont intéressants pour cela. Il y a un problème dans l'astrologie. Un gros problème. Les 12 signes sont séparés en 12. Ont été paramétrés par 12 paramètres égaux. Le zodiaque était séparé en 12 parties égales. Alors qu'il n'y a pas une constellation qui a la même grandeur. Cela veut dire qu'une personne naît dans le signe du scorpion pendant que le soleil traverse le bélier. La personne, elle est zodiacalement bélier. Elle est sur la carte dans la tradition scorpion. Alors, la personne va dire, je suis scorpion. Une fois tous les 25 000 ans, le scorpion de l'astrologie conventionnelle est en accord avec le scorpion zodiacal cosmique. À chaque 25 000 ans. Donc, les signes qui nous définissent ne sont absolument pas, n'ont rien à voir avec la réalité cosmique. Connaître le monde astral qui prévalait lors de notre naissance et arriver à lui donner un nom pour, lorsque nous faisons une colère mentale, non plus s'adresser au Christ de chien, non plus s'adresser à l'astral, mais dans tout cet astral, s'adresser à la chose, qui est en correspondance avec nous. Ce que je donne aujourd'hui, ce sont des clés extrêmement puissante et qui aussi porte un certain danger. S'adresser à un égrégore qui n'est pas le nôtre, mais qui est celui de quelqu'un d'autre, si on ne sait pas ce que l'on fait, on se place deux égrégores sur le dos, au lieu d'un. Vous mangez de la marde, si vous voulez en manger deux fois plus, c'est ce qu'il faut faire. Commencer par contrôler le sien propre et par la suite apprendre à faire un voyage dans le monde de la mort, un voyage astral, pour aller décoder ou connaître le nom de l'égrégore qui manipule ceux avec qui nous vivons. Cela se fait. Et cela marche. Pour cela, évidemment, on doit apprendre à voyager dans le monde de la mort. Et avant, On doit apprendre à cerner son propre égrégore. Donc, qui suis-je? Qui suis-je? Et qui suis-je? Sur un point de vue, qui suis-je? Qui est l'autre? Qui est l'autre? Sur l'autre point de vue, qui est l'autre? Qui suis-je? Qui est l'autre? Sur l'autre point de vue, qui est l'autre? Qui est l'autre? Qui suis-je? Vous êtes trois. Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je, moi, qui est ascendant? Qui suis-je, moi, qui ai peur? Qui suis-je, moi, qui me réincarne? Mettre le nom. Prononcer le nom. Colère mentale, ce n'est pas seulement de crier. Colère mentale, c'est de parler. Celui qui crie a du pouvoir. Celui qui parle a de la puissance. Celui qui a de la puissance a de l'autorité. Prémisse à la colère mentale, comprendre certaines mécanicités qui différencient la colère psychologique de la colère mentale. Apprendre à briser les choses. Apprendre à arriver à être capable de gueuler. Colère mentale 2, savoir à qui gueuler. Ou savoir qui contrôler. Se paramétrer demande de l'homme le passage initiatique d'une condition à une autre. Cela veut dire que parmi tous ceux qui feront le colère mentale 2, seuls ceux qui seront sérieux, seule l'élite arriveront à un résultat. L'élite, c'est la personne qui désire entreprendre un cheminement d'une façon sérieuse. L'élite, c'est la personne qui décide, non pas d'en finir, mais de mettre de l'énergie à conserver ses acquis. C'est ça de l'élite. Conserver ses acquis. Et conserver ses acquis, ça demande de l'énergie, du temps, de la volonté. On va chercher quelque chose, c'est bon, c'est au bout, on l'oublie. On va chercher quelque chose d'autre, c'est bon, c'est au bout. On va chercher quelque chose d'autre, c'est bon, c'est au bout. La première préparation à l'initiation, la capacité de vouloir conserver ses acquis. Pour ne pas être obligé d'être continuellement remotivé. Cela veut dire que l'homme, la femme, doit entrer.